from the motherland, la terre mère africaine, je viens. Je l'ai pas appris à la school ni dans leur gros bouquin. L'Afrique c'est bien, maman me l'a dit et je te le dis. Mais quand j'ai lu Tintin au Congo, je t'avoue, j'ai péfli. Mes tantes m'ont montré des photos, rien à voir, je te le dis. Pour enfoncer le clou, avec ma peau foncée, on m'a dit. C'est en cours d'histoire, qu'on m'a raconté des tas d'histoires. Que je venais du Grand Nord, qu'on nous appelait les Vikings. Les mêmes qu'on dessine dans Astérix, déchire tout, garde le X. Malcolm comme Malcolm, pour les miens je milite. Arrête de croire tout ce qu'on dit, à toi de nourrir ton esprit. On m'a trop longtemps privé de mes richesses, aujourd'hui j'encaisse. Combien de temps va-t-on nous faire croire que nous sommes des fautifs? Combien de temps? Combien de temps va-t-il nous falloir pour comprendre la justice? Combien de temps va-t-on nous faire croire? Combien de temps va-t-il nous falloir? Dis-moi pendant combien d'années les portes vont-elles sur moi se refaire? Mais ma présence est peut-être acceptée, mais ma pensée est ignorée. Né dans cet endroit que je croyais si juste, où désormais l'hypocrisie nous insulte. Comme si nous n'avions été que de l'aide et rien de plus. Oh oh, oh oh. Combien de temps va-t-on nous faire croire que nous sommes des fautifs? Combien de temps va-t-il nous falloir pour comprendre la justice? Combien de temps va-t-on nous faire croire? Combien de temps va-t-il nous falloir? I have a dream, comme Martin Luther. Nous étions tous des kings du haut de nos pyramides, accompagnés de nos black queens. Je me réveille bas de petit, fait tout gris à Paris. Les gens sont aigris, j'avance comme si j'étais aigri. Mais je sais que je brille, que je rayonne comme le soleil de là-bas. Hey mama, rien au monde ne pourra effacer tout ton chagrin. Toutes les larmes que tu as versées, on a tenté de me faire croire que j'étais mauvais. Que le fait d'être noir est la cause de tous ces excès. Il va falloir qu'il sache que je sais, faut pas oublier. La terre mère africaine est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Combien de temps va-t-on nous faire croire que nous sommes des fautifs? Combien de temps va-t-il nous falloir pour comprendre la justice? Combien de temps va-t-on nous faire croire? Combien de temps va-t-il nous falloir? Je fais l'objet de tous les préjugés. J'occupe sans cesse la place de l'accusé. Je lève la tête et garde les poings serrés. Car moi la haine ne m'a pas absorbé. Insensible à tout ce que l'on dit sur moi. Condamné à cette place que je ne mérite pas. À croire que la situation jamais ne changera. Nous faire croire que nous sommes des fautifs. Combien de temps va-t-il nous falloir pour comprendre la justice? Combien de temps va-t-on nous faire croire? Combien de temps va-t-il nous falloir? Combien de temps va-t-on nous faire croire que nous sommes des fautifs? Combien de temps va-t-il nous falloir pour comprendre la justice? Combien de temps va-t-on nous faire croire? Combien de temps va-t-il nous falloir?